défunt. Hey, salut, c'est I Hate Music, l'émission punk 100% DIY. Et on commence cette émission avec plein de nouveautés, comme d'habitude, des choses qui sont sorties dans l'année que j'ai pas eu le temps de chroniquer, des choses qui viennent de sortir, des choses vraiment hyper cool et catchy, de l'actualité un peu triste, des groupes de rock un peu garage, des trucs un peu plus post-punk et des vieilleries des années 70 et 80. Et on commence d'abord avec le groupe Catharsis, excellent groupe qui a au moins 30 ans d'existence, voilà, les nostalgiques du crust et du hardcore un peu lourd des années 2000. On va être super content de cette nouvelle sortie. Ils nous reviennent avec donc un LP, Hope Against Hope, c'est sorti cette année dans l'été sur l'excellent label Refuse Records. Le groupe nous vient d'Olympia aux États-Unis et voilà, je pense que c'est très attendu puisque ça fait au moins 10 ans qu'ils n'ont rien sorti. Plus, ils vont faire des tournées, notamment en Europe, donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Voilà, ils sont très très attendus. Excellent album dans la veine de ce qu'ils ont fait avant. Voilà, c'est du Catharsis et vous ne regretterez pas de l'écouter. On en a la preuve avec le Gone Cool Creation. C'est un des titres du LP qui vient de sortir, Catharsis. Ensuite, on continue du côté de Berlin avec le groupe Industry, groupe international avec des gens donc basés en Allemagne à Berlin qui nous reviennent avec leur second LP, same title, qui est sorti là tout juste sur la Vela Esumus. Groupe avec des paroles très politisées et une touche vraiment dark. Et ils continuent, pareil, dans la veine de ce qu'ils ont fait avec leur début et c'est vraiment, vraiment très bien. On va en avoir la preuve avec cet excellent titre, Europe's Guilt Industry. Et ensuite, on continue avec un peu plus de fun et le groupe Homefront qui vient de sortir un nouvel EP qui s'appelle Watch It Die. Il vient de sortir aussi sur le label La Vela Esumus. Voilà, toujours la même chose pour le groupe de Vancouver qui commence à vraiment bien cartonner et ils le méritent bien. Ils ont sur cet album une touche un petit peu plus électronique, beaucoup plus de synthé, un côté plus post-punk et c'est vraiment vraiment bien. Ils ont quand même des morceaux un peu punk, on va en avoir la preuve avec ce titre For the Children, Fuck All, Homefront. On commence d'abord avec Catharsis, Gone to Creation. Let's go! Hey, c'était trop cool. On vient de s'écouter Homefront for the Children, Fuck All. Juste avant, on s'écoutait Industry, Europe's Guilt. Et encore avant, on s'écoutait Catharsis avec Gone to Creation. On continue avec encore du lourd et les excellents Traumatizer, les petits chouchous qui nous viennent des Pays-Bas, exactement de la ville de Harlem, qui a l'air d'être le trou du cul de ce tout petit pays. Il y a là-bas une petite troupe de petits jeunes qui font du hardcore, plein de trucs cool. Ils font des groupes dans tous les sens, ils ont encore sorti des nouveaux groupes, j'en passerai dans les prochaines émissions. Et ils nous reviennent avec un 7-2 Traumatizer, Nuclear War Machine, ça vient de sortir, c'est sorti sur la belle Discos Amphalmos. On va s'écouter un excellent titre, Dead End, c'est toujours aussi vénère, c'est toujours Traumatizer. Ensuite, on va du côté de Bogota, en Colombie, avec un groupe qui s'appelle Pozzo, qui nous a sorti une démo 2025, voilà, sur une petite cassette qui est sortie. J'ai pas le nom de label, il y en avait un, mais apparemment ils ont retiré le son qu'ils avaient mis sur Bandcamp, donc j'ai pas trop compris pourquoi. En tout cas, j'ai réussi quand même à choper des titres, et c'est vraiment cool, voilà, avec des guitares bien hardcore, comme ils font d'habitude dans la capitale colombienne. Et on va s'écouter un excellent titre pour illustrer ça, qui s'appelle Trauma Pozzo. Ensuite, pour une nouvelle triste, vous avez peut-être vu le groupe Scarecrow, qui est venu jouer il y a 2 ou 3 ans en Europe. Et voilà, avec des gens du label Sorry State Records, qui est un magasin de disques et aussi un label qui sort des super disques. Et malheureusement, la chanteuse de Scarecrow est décédée il y a une semaine. Donc c'est une nouvelle assez triste qui a marqué pas mal de gens puisqu'elle était assez appréciée. Voilà, donc une nouvelle encore triste qui vient alimenter cette rubrique nécrologie. Malheureusement, du coup, on va lui rendre hommage en passant deux titres du EP qui s'appelait Crisis, qui est sorti en 2022 sur Bunker Punks Disc and Tapes. Ça, c'est le nom du label. Voilà, le groupe existait depuis environ 2020. Voilà, les deux titres qu'on va s'écouter s'appellent Pain for Profit et Nail in the Coffin Scarecrow. On commence tout d'abord avec Traumatizer, Dead End. Let's go! Yes, yes, yes, on vient de s'écouter Scarecrow, Pain for Profit et Nail in the Coffin. Voilà, je rappelle donc que c'était suite au décès de la chanteuse Red. Donc voilà, Rest in Punk Red. Juste avant, on s'écoutait Pozo avec le titre Trauma. Et encore avant, on s'écoutait Traumatizer avec Dead End. On continue cette émission avec du rock et on commence avec Killer Kin. Tant que j'avais passé un titre du LP et du coup on va en repasser un peu parce que c'est vraiment excellent. On va s'écouter un extrait du EP qui s'appelle Point Blank qui est sorti en 2024 sur Wap Shoe Wap Records. Et donc comme le EP s'appelle Point Blank, on va s'écouter le titre Point Blank. Voilà voilà, et donc le groupe nous vient des États-Unis, Killer Kin. Pour aller avec, on va s'écouter un titre de Lothario parce qu'ils sont passés l'année dernière en tournée à la suite de la sortie de leur LP Hog Type qui était sorti sur Under the Gun Records. Bon, le groupe nous vient d'Australie et même si ça a été programmé plusieurs fois, eh bien je ne les ai pas passés donc c'était l'occasion d'en passer puisque ça ira bien avec le reste de la prog. Donc voilà, Lothario, Hog Type. On va finir ce tiercé avec une nouveauté, Lost Bangers, qui nous sortit une démo 2025. C'est un groupe de Mexico qui nous sort voilà, des titres bien garage, qui vient juste de sortir en cassette sur un nouveau label qui s'appelle Chose Utile. C'est le label de Guilhem, qui joue dans des groupes comme Ataque Zero ou bien Les Remplaçants, et qui nous vient de Lyon. Vous le connaissez peut-être. Voilà, en tout cas, il se lance dans cette sortie de cassette pour aider ses amis Lost Bangers et leur démo 2025. Et nous, on va les aider à notre tour en passant un petit titre. Voilà, c'est le premier titre de la cassette, Unangaño. Et voilà, Lost Bangers, on va bouger les cheveux. Et pour bouger les cheveux, on va écouter le début de cette playlist avec Killer Kin et Point Blank. Let's go! Gracias. Un petit côté Los Banger, Un Engaño. Juste avant, s'écouter Lothario avec Hawk Tide. Encore avant, s'écouter Killer Kim avec Point Blank. Et on continue avec le côté dark de l'émission et un excellent groupe qui commence tout juste, qui n'a encore rien sorti, mais ça va venir. C'est le groupe Silhouette de Uppsala en Suède. Voilà, excellent groupe composé de gens qui ont déjà officié dans d'autres groupes super cool. Et je pense que ça va vraiment bien promettre. Donc là, on donne plus dans le post-punk, un peu comme ça se fait en ce moment. Ils nous ont prévu donc un Visitors qui va sortir l'année prochaine. Donc c'est pas encore sorti, sauf un titre vraiment cool qui s'appelle Blindside et qu'on va découvrir dans l'émission Silhouette. Ensuite, on va continuer du côté de Toulouse avec Trait d'Union. Excellent projet solo que j'avais pu connaître grâce à Frozen Records, le label nantais, qui nous dégote des petites pépites autant du côté métal que du côté un peu plus indus ou électro ou un peu goth comme Trait d'Union. Trait d'Union, il avait fait partie aussi de la cassette Gods for Palestine qui était sortie l'année dernière, je crois. Et voilà, nous sort des petits titres sur Bandcamp, il y en a plusieurs, et je crois que j'en ai déjà passé à l'émission, et on va en repasser avec Rêver d'envol. Donc c'est un titre qui a été mis en 2025, cette année, donc si vous voulez aller voir ce qui sort, c'est vraiment efficace. Ensuite, on va du côté de la capitale avec Tempomat, excellent groupe, avec des membres de Frustration et de Opération S. Des gens qui sont pas à leur coup d'essai au niveau musical et qui nous ont tapé un petit délire avec des synthés et des machines musicales en nous faisant toute une ambiance à la Derrick. Ils nous ont sorti un Aus der Rhein Derrick en 2022, c'était sorti sur Vero Major Records et sur les disques des Mauvais Garçons. C'est des titres vraiment cool avec une ambiance bien dark mais vraiment à la Derrick parce que c'est le thème du sujet, voilà. Et on va s'écouter l'excellent titre Tote Vogel Singen Ich. Voilà, Tempomat. On commence d'abord avec les Suédois de Silhouette et Blindside. Let's go! Oh, Wesh, t'as cru que t'étais dans un épisode de Derek loupé, c'était Tempomat avec Tote Vogelzigen Nicht, et encore avant c'était Trade Union avec Rêver d'envol, et encore avant c'était Silhouette avec Blindside. Voilà, c'est la dernière ligne droite de l'émission, et on va y aller tout en douceur avec des titres à la cool. On commence avec Jane Eyre and the Belvederes. Voilà, artiste vraiment cool. J'avais déjà passé un morceau de son LP qui est vraiment excellent. Elle a commencé à officier fin des années 70 et dans les années 80, donc au tout début du punk et au moment où en Angleterre il y avait beaucoup de musiciens jamaïcains et à l'époque vraiment de la Northern Soul et tout ça. Et voilà, Jane Eyre and the Belvederes, c'est un mélange de tout ça. Elle a des super chansons soul qui sont vraiment cool et des morceaux qui sont hyper punk et qui sont vraiment bien. Des trucs un peu plus sport pop aussi, c'est vraiment catchy, c'est vraiment très mignon. Voilà, donc j'avais passé un titre du LP. On va s'écouter un titre de son premier ou deuxième EP qui était sorti en 1979 sur une major. Le EP avait le titre Call Me Everything et Lazy Boy. On va s'écouter le titre Call Me Everything, Jane Eyre and the Belvederes. Ensuite, on va encore avec une petite rareté, étrangeté, avec Anna Domino. Un excellent titre, il est vraiment chouette. East and West, c'était sorti en 1984 sur les disques du Crépuscule. Anna Domino, c'est une chanteuse d'origine des États-Unis qui a fait une carrière solo vraiment au début des années 80 avec des sons assez étranges, comme il y avait vraiment à l'époque où on essayait un petit peu tout. Elle est plutôt classée dans le indie rock malgré tout. Et elle était repérée par les disques du Crépuscule, ce qui l'a amenée à déménager à Bruxelles et ensuite à composer et à se produire plutôt en Europe du coup. En tout cas, c'est vraiment une artiste super chouette que j'aime beaucoup. Donc voilà, on va s'écouter un titre qui s'appelle Land of My Dream. On commence d'abord avec Jane Eyre and the Belvederes, Call Me Every Night. Donc voilà, c'est la fin de l'émission et on vous retrouve dans un mois. Ciao, bye bye, cheers!